la PS. Ok. Petit frère allume, il fait peur à tes potes. Il a fière allure, il met beaucoup de gel, il aime pas l'école. Il aime bien la fume et un peu d'alcool. Il est bien têtu et déterminé pour ouvrir les portes. Il est plein d'insultes et regarde les autres. Il est plein de coups de pute, il met des alphas, il dit que c'est ta porte. Élevé à la dure, avec l'argent de la drogue. Au quartier ça crie, va faire un tour avec sa folle. Ouh la folle, elle veut se mettre sous alcool. T'aimes bien sa bouche, son corps. Tu lui mets ton cou, tu décolles. Vas-y fais vite le coup, ça fait deux heures, j't'attends. J'm'en bats les couilles, je bouge, démarre le Porsche Macan. Gros bonnet, teinture colorée, Armani, sexy, habibi. Il veut mettre des gosses sur chemin de l'école. Du cross carré, j'rallume mon joint tassé. Deuxième son de la journée, t'as l'heure, j't'ai vu passer. T'as même pas calculé, t'avais l'air dégoûté. Avant on s'écoutait, j'repense à tout à ma vie. J'vois un petit coup, j'suis parti. La route tourne, on m'avait dit que je cherche des mélodies. Ouh la folle, elle veut se mettre sous alcool. T'aimes bien sa bouche, son corps. Tu lui mets ton cou, tu décolles. Vas-y, fais vite. Ça fait deux heures, j't'attends. J'm'en bats les couilles, je bouge. Démarre le Porsche Macan. Gros bonite, teinture colorée, Armani, sexy, habibi. Il veut mettre des gosses le chemin de l'école. Il veut mettre des gosses. Il veut faire les poches. Il veut mettre des gosses sur le chemin de l'école. Il veut mettre des gosses. Il veut faire les poches. Ok. Mate les lives exclusifs de Point Trump en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.